Elle ne vient pas avec nous. Je voudrais qu'elle vienne. Tu ne dis pas ce que tu penses. Je voudrais que tu dises ce que tu penses. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je voudrais qu'il comprenne ce qui se passe. Il ne connaît pas la vérité. Je voudrais qu'il connaisse la vérité. Ils ne savent pas où nous sommes. Je voudrais qu'ils sachent où nous sommes.